Alors, cabinet? Soigné par l'invisible. Une création radiophonique de l'Institut international de recherche sur la radio et la magie. Premier épisode, initiation. Je suis Mara. Je connais un peu la pratique de l'auto-hypnose. C'est pour ça que j'étais très curieuse de rencontrer un hypnothérapeute. Une fois, j'ai participé à un workshop de l'auto-hypnose donné par deux artistes à l'École des Beaux-Arts à Genève. C'est dans un cadre plutôt recherche artistique. C'est pour cela que j'étais très contente de découvrir plusieurs techniques de l'hypnose thérapeutique qu'on a pratiquées avec le docteur Mezzorana. Hello. Bonjour, Mara. Alex, il y a un objectif, il y a quelque chose que vous voudriez améliorer ou transformer. Mais je pense que finalement, oui, je sais. Oui, précisément donc. Ben, en fait, j'ai des visages rouges. Mm-hmm. Ouais. Coup, des espèces de rosacées, puis c'est vraiment gênant. Mmh. Dans la vie quotidienne. Ouais. Vous pourriez dire, ouais, dans ce problème de rosacée, qu'est-ce qu'il y aurait le plus ? De la colère ? De l'inquiétude ? De la honte ? Plutôt, c'est le gêne. Plutôt, je deviens timide. Mmh. Cette gêne, alors, elle serait de quelle couleur ? Bah, rouge. Eh ouais. Hein ? Quand vous vous sentez gêné, ça fait quelque chose où dans votre corps? Est-ce que cette gêne, elle est dans la gorge, elle est dans la poitrine, elle est dans le ventre? Plutôt la tête. La tête, voilà. Alors donc, c'est dans la tête ou sur la tête? Sous la peau. Sous la peau. Mmh. La sensation, c'est comme s'il y avait un liquide, comme s'il y avait une pâte, comme s'il y avait du sable, comme s'il y avait... Ça ressemblerait à quoi ? Moi, plutôt liquide. Comme un liquide rouge ? Oui. Mmh. Tout simplement du sang, peut-être ? Ouais, mais du sang un peu particulier. Plutôt plus sombre. Ah, il est plus foncé. Est-ce que vous arrivez, donc, à l'imaginer ? Ce sang sous la peau, au niveau de la tête, qui est un peu plus foncé, et à l'intérieur, il y a cette gêne. Vous avez donc à l'imaginer. Alexandre Mezzorana, j'ai 58 ans, je suis naturopathe indépendant depuis plus de 25 ans, avec une spécialisation en médecine psycho-énergétique, hypnose et magnétisme. Alors enfant, j'étais plutôt contemplatif, curieux et proche de la nature. Depuis mes 9 ans, j'ai été fasciné par des anciens livres de médecine. Passionné de science et aussi de magnétisme, de spiritualité, d'ésotérisme. Une réelle passion qui me faisait dévorer de nombreux livres, mon oncle était antiquaire spécialisé en librairie ancienne. Aussi, une forte influence de ma grand-mère, valaisanne, qui soignait par les plantes et pratiquait la prière et le secret. Pendant mon enfance et adolescence, nombreuses expériences de guérison par imposition des mains et prières, dédoublements et voyages astral, des expériences aussi de prémonition. Je voulais découvrir les mystères de l'esprit, de la médecine et de la vie. Ouvrir le regard. Ouvrir le regard. Avoir un champ de vision périphérique, ne pas regarder forcément la personne, et encore moins un endroit de la personne, mais regarder avec un regard enveloppant, ce qui permet de sentir aussi une multitude de signaux non-verbaux qui peuvent être captés aussi. Des problèmes dermatos, pour des eczémas, pour des douleurs aussi. Ah oui. Voilà, tu peux travailler aussi sur des douleurs rhumatismales, etc. Ça fait des guillis. Ça picote. C'est bizarre, hein. Et ah oui, du coup, c'est l'électricité, là. Et les autres, c'est ça. Voilà. Oui. Je suis électrifié. On utilise des méthodes de test, des méthodes sensibles. Ça peut être l'usage d'une sorte de pendule, ça peut être des tests musculaires. Par exemple, le doigt qui bouge, c'est quelque chose qu'on utilise en hypnose, ça s'appelle le signaling. C'est-à-dire qu'on pose des questions à l'inconscient, la personne elle est en transe, et puis son doigt, il bouge automatiquement. Alors on pose la question à l'inconscient, est-ce qu'inconscient, est-ce que tu es en accord avec le fait de solutionner cette problématique. Si tu es en accord, ce doigt s'élève dans les airs. Ma ligne de conduite, premièrement, ne pas nuire. Connaître ses limites et travailler en collaboration, si possible, avec la médecine conventionnelle. Retour à l'état de santé. Traitement de première intention ciblé sur la demande principale. Objectif, confort, soulagement rapide de la symptomatique. Prise en charge globale et causale pour obtenir si possible des résultats thérapeutiques profonds et durables. Les remèdes de buona fama, de bonne réputation. Quand cela est justifié et possible, réduire les coûts de la santé par l'utilisation de moyens naturels et simples, d'efficacité éprouvée par une pratique ancestrale. Fermez les yeux. Maintenant que vous avez les yeux fermés, vous observez attentivement. Vous portez toute votre attention sur ce sang rouge foncé, avec à l'intérieur comme une gêne, quelque chose qui résonne à la lumière du jour, un peu comme une image de soi. Et vous vous observez ce sang rouge foncé, particulier, sous la peau. Vous l'observez attentivement et vous ne faites rien pour accéder à une transe, une transformation de cette image. Vous l'observez attentivement et au fur et à mesure de ces tapotements, ça évolue d'une manière ou d'une autre. Vous l'observez attentivement et vous ne faites rien. Laissez faire. Cette sagesse intérieure en vous-même, c'est exactement quelles sont les mémoires, les raisons, les plus inconscientes et les plus oubliées, afin de faire peau neuve, comme une transformation. Et vous vous l'autorisez pleinement, car vous savez que vous le méritez, que vous le désirez, et ça se fait instinctivement. Automatiquement. Sur la peau neuve, je vois une image d'un dalmatien avec des taches noires. Et mes taches rouges sur les joues, elles sont devenues comme des autocollants qui se décollaient. comme un autocollant qui est trop vieux. Il est trop chaud et après, avec la gravité, ça tombe vers le sol. Et ça se détache. Plus ça se détache, mieux vous vous sentez dans votre peau, qui devient de plus en plus propre à vous-même, en accord avec vos valeurs intérieures, qui se reflètent à l'extérieur. Alors, tout en observant le sang rouge foncé, vous pouvez garder les yeux fermés et vous pouvez me parler. Comment est le sang ? Plus transparent peut-être. Transparent. Jaunâtre comme... Jaunâtre. Un peu comme de la lymphe, un peu comme... Comme justement quand tu sépares le sang liquide. Ouais. Continuez d'observer. Et c'est de plus en plus transparent, bienveillant, de vous-même en vous-même, de plus en plus pur, propre, limpide comme la source de vos ressources qui s'écoule en vous à la lumière du jour. Quel que soit l'éclairage, comme quelque chose qui s'éveille en vous, qui veille en vous, vous voulez vous l'autoriser à faire peau neuve. En observant, vous pouvez me parler. Comment c'est maintenant ? C'est plus l'eau minérale avec des bulles. Excellent. Continuez d'observer. C'était intéressant comme au début, le liquide était... sang foncé et petit à petit pendant la séance est devenu de plus en plus clair comment on peut changer des choses ou des images tout simplement. C'est comme si tout ce qui vous pesait léger s'envole vers l'infini afin de faire peau neuve, propre, pur et limpide. Je suis devenue une boîte de sardines. Et puis, ma peau, quelque part, même pas ma peau, mais en tout cas, quelque chose... Non, c'était pas ma peau, c'était pas vraiment moi non plus. C'est pas que c'était moi, la boîte de sardines. Mais comme il y avait quelque chose autour de moi que je pouvais dérouler... et enlevait. Et j'imagine que c'est pour ça aussi la tête elle est devenue plus légère. Les heures, les jours, les nuits, les semaines, tant que nécessaire. Vous savez, comme avant, maintenant, peau neuve, propre, pur et limpide, translucide comme l'eau de source. Alors, je vais pouvoir compter de 1 à 3. Et à 3, vous pouvez revenir ici et maintenant. Quelque chose a changé dont vous bénéficiez puissamment. À Alors avec le 1, vous revenez là, ici et maintenant, dans cette pièce, dans ce fauteuil. Vous ressentez vos pieds sur le sol. Vous percevez la lumière sous les paupières. Vous percevez les sons extérieurs. Avec le 2, inspirez profondément. Excellent. Et maintenant, avec le 3, ouvrez les yeux. J'ai traité avec beaucoup de succès des patients à distance. Et j'ai réalisé que si j'avais su ou si j'avais vu les symptômes effrayants qu'ils présentaient, ça m'aurait découragé. J'aurais pas pu y mettre, disons, une certaine foi. Parce que je me serais dit, c'est pas possible. Et le doute génère la peur de ne pas réussir, la peur de ne pouvoir rien faire. Guérir, guérir, guérir, guérir, guérir, guérir, guérir, guérir, guérir, guérir, guérir, guérir, guérir, guérir, guérir, guérir, guérir, guérir, guérir, guérir, guérir, guérir, guérir, guérir, guérir, guérir, guérir. Savoir lâcher et abandonner. Guérir, guérir, guérir, guérir, guérir, guérir, guérir. Sans accrocher son esprit toujours sur « j'espère que ça va marcher, j'espère que ça va guérir, j'espère que la personne va aller mieux. » Guérir, guérir, guérir, guérir, guérir, guérir, guérir. La conscience et la foi du guérisseur a une importance capitale. C'est comme si on mettait une lettre à la poste, on ne va pas se demander « oh, j'espère que le facteur va passer ». On met la lettre à la poste et on l'abandonne. Je remets ça à la Providence, je remets ça à l'intelligence universelle, je remets ça au vivant, avec une certaine confiance. Et en général, quand on fait les choses comme ça, eh bien, ça a tendance à fonctionner. Guérir, guérir, guérir, guérir, guérir, guérir, guérir, guérir, guérir, guérir, guérir, guérir, guérir, guérir, guérir, guérir, guérir, guérir, guérir, guérir, guérir, guérir, guérir, guérir. Je m'appelle Julien Marais. J'écris. Nulle part le déclencheur. Guérir. Faire quelque chose. Nous peinons à régler nos affaires. Quand revenir mort, nous remuons nos cuirs dans les fontaines superstitieuses, baignons dans de vastes bassines ceux qui nous soignent. Celles et ceux, vous, celles et ceux qui traversent les invasions techno-spatiaux de biais, et celles et ceux immobiles dans les masses, quand le mal est fait, quand il devient difficile de ne pas imiter, quand revenir meurt, nous, nous remuons nos cuillères dans les fontaines superstitieuses, baignons dans de vastes bassines. Celles et ceux aux formules magiques, potions ou formules magiques, où ne s'entendent plus. Ça tourne un peu dans les villes. Nous ne vont pas, les animaux. Nous évitons les sources, clairs noirs, balancés d'algues, de petites babioles égarées. Nous peinons. Quand il devient difficile de ne pas imiter, quand revenir mort. Quand revenir mort, les médecines, psaumes, les herbes, où ne vont plus les sucs, tournent dans les villes. Quand superstitieux, où ne s'entendent plus. Brouillés de ma radio. Baignons dans de vastes bassines. Guérir. Nous évitons les sources. Faire quelque chose quand il devient difficile. Les coups de lame sur les corps. Brouillé. Chant. Brouillé de ma radio. Formule magique. Psaume. Plus simplement les choses. Plus simplement les choses. Plus simplement guérir. Simplement. Sono un medico, je suis médecin. Je m'appelle, mi chiamo Arnaldo. J'ai rencontré l'hypnose. L'hypnose mi è venuta incontro. Come una persona. Nous discutons. Nous discutiamo. Chi sei? Chi è tu, hypnose? Je suis la méthode qui étudie et manie, il metodo che studia la manipolazione della trance. Moi, je fais de l'hypnose médicale. En étant oncologue palliativiste, médecin, c'est vrai que dans notre pratique occidentale de médecine, la suggestion a été reléguée à quelque chose qui n'est pas utile ou qui c'est du charlatanisme. J'ai eu la chance d'avoir la formation en hypnose parce que j'ai participé à une étude à l'hôpital universitaire de Genève où ils sont en train encore de former des thérapeutes, infirmiers, techniciens, médecins pour comprendre s'il y a une amélioration du soin, de la perception du soin de la part des patients. En fait, c'est en cours, mais les données sont que c'est plutôt, oui, que les patients sont contents d'avoir des thérapeutes qui ont fait de l'hypnose, qu'ils soient l'infirmier, qu'ils soient le médecin, ou qu'ils soient n'importe qui, mais qui aient fait de l'hypnose. C'est une méthode, en fait, qui était utilisée par les anciens chinois. Ça s'appelait le mannequin de bronze. L'empereur était divinisé et il était intouchable. Quand il avait un problème, il montrait où il avait mal ou le problème sur un mannequin. Ça respire mieux. Et les médecins ou les guérisseurs, enfin... Donc, ils tapaient sur ces mannequins de bronze, et puis l'empereur était au milieu, et puis ça activait des mécanismes de guérison chez l'empereur, quoi. Voilà. Et maintenant, ça respire mieux ? Très bien. Très bien. OK. J'ai eu l'opportunité de faire de nombreux voyages, dont la motivation principale était l'étude des médecines traditionnelles pratiquées par des guérisseurs traditionnels de différentes cultures. Des chamans, guérisseurs, tradipraticiens et chirurgiens spirites. Des expériences enrichissantes, tant sur le plan humain que sur le plan de l'apprentissage de principes fondamentaux, induction de la transe, utilisation des symboles et médecine spirituelle. Pour accumuler de l'énergie et développer votre magnétisme personnel, mettez-vous debout, face au soleil levant, la jambe gauche devant. Fixez le soleil sans fermer les yeux. Serrez les cylindres dans vos poings, en montant sur la pointe des pieds, en inspirant avec la partie haute des poumons. Continuez d'inspirer, même s'il n'y a plus d'air qui rentre. Continuez de faire comme si vous inspiriez. On contracte, on relâche les poings en expirant. On remonte, on serre, on contracte, on inspire, on continue d'inspirer même s'il n'y a plus d'air qui rentre. On fait comme si on inspirait. Et on relâche. Dans la main droite, émissive, mettre du plomb. La poser sur le plexus solaire. Dans la main gauche, ouverte, réceptive, du métal. Croiser les jambes pour fermer l'énergie. Accumuler l'énergie en se tordant le nez. Respirer alternativement de la narine droite et de la narine gauche. Se mettre à l'envers, le plus possible, debout. Pencher la tête en arrière. Plier les bras pour monter les poings au niveau des épaules. Pomper avec les bras. Les déplier rapidement, poings serrés, en soufflant, expirant, rapidement. il y a qui dit que le thérapeute, normalement, il est dans une transe qui est plus léger. Peut-être. On a une attention, peut-être, vers l'extérieur qui est plus maintenue que celle du patient. J'aime beaucoup l'entre-deux. Je ne sais pas si c'est l'entre-deux de guérisseur, médecin. C'est pas... Peut-être il y a ça aussi, mais c'est plutôt d'autres entre-deux. Moi, je me sens surtout très chanceux parce que ça me permet d'avoir une vie de qualité beaucoup meilleure à moi. Parce que peut-être une chose qu'on ne dit pas, mais quand on fait de l'hypnose, on est dans l'hypnose. Ce n'est pas qu'on peut faire l'hypnose et faire autre chose. On y est. C'est comme si j'étais là et pas là à la fois. Un peu dépersonnifié, en tout cas, de presque de toute volonté, de tout ego. Enfin, le médium, il est canal, quoi. Donc, en fait, c'est comme s'il était un véhicule, mais qu'il n'avait pas sa personnalité, son ego propre dans ce qu'il y faisait. Avec juste des sons portés par une intention, ça peut s'utiliser par exemple pour des petits-enfants. C'est assez proche d'une berceuse. On peut l'utiliser aussi par exemple pour un animal. Ou à la rigueur, pour une personne qui parle une langue complètement étrangère. Chulaxodo Mieli Chou Dou Assa. La voix, c'est mieux de la tenir basse. Ça, c'est peut-être le plus bas que j'arrive, mais j'utilise pas quand je fais hypnose. On dit aussi que si on dérange un peu, on peut obtenir des transes plus profondes. C'est comme si on fait émerger un petit peu les personnes et puis on les fait descendre encore plus. Je note d'une manière des fois symbolique ce que j'ai fait, et quand je vois la personne revenir, je me dis, c'est un miracle, ça a complètement disparu, j'ai plus rien, ou bien là c'est parti, la prochaine fois que j'ai quelqu'un qui a ça, je vais faire ça. Et je me suis rendu compte que ça marchait pas. Il y a une paire de l'hypnose qui s'appelle Rustang, c'est une père et aussi un frère, parce qu'il était moine, il était psychanalyste et il est devenu hypnothérapeute. Mais ce qui dit Rustang, c'est l'hypnose, elle est peut-être mal vue dans cette société parce qu'on est dans une société individualiste où on pense qu'on peut s'autodéterminer. Mais tout le moment, on ne décide pas nous, mais c'est les autres qui décident pour nous et nous, on fait décider les autres selon notre volonté. Je pense que c'est une équation. Dans l'espace-temps, pour que la personne soit prête, que le thérapeute puisse apporter la bonne fréquence dont la personne a besoin pour s'harmoniser. Et là, il peut y avoir le miracle. Avec Alexandre Mezzorana, Mara Krastina et Mauro Friggeri, alias Arnaldo. Transe de dire guérir et lecture, Julien Marais, autour de son texte Nulle part le déclencheur, paru dans la revue L'Ours Blanc aux éditions Hérolimite. Remerciements Sacha Béraud, Jonathan Friggeri et sa fille Dahlia. Prise de son, montage et mise en onde, Pauline Guiffard. Soignée par l'invisible, premier épisode, Initiation. Une création radiophonique de l'Institut international de recherche sur la radio et la magie. Musique, Simone Aubert et Paul.